franceinter.fr. Radioscopie. Radioscopie. Achille Zavatta. Jacques Chancel. Achille Zavatta, tout le monde le sait, vous êtes clown et vous faites partie de la grande famille des gens du voyage. Et pour vous, les gens du voyage, ce n'est pas seulement une expression. Des 13 frères et sœurs de la famille Zavatta, on me dit qu'aucun n'est né dans le même pays. Vous, Achille, vous êtes né le 6 mai 1915 à la Goulette, à deux pas de Tunis, oui. Et avec le métier dans le sang. Car la création du premier cirque Zavatta en Italie remonte, me dit-on encore, à 1815, est-ce vrai? Oui, exactement. Ça a été d'ailleurs le premier petit chapiteau qu'il y a eu à cette époque-là. Parce que vous savez que le début des cirques, il n'y avait pas de toile, il n'y avait pas de chapiteau, hein, c'était des palques. Ce qu'on appelle un palque, ce sont des gradins avec des chaises, mais il n'y avait pas de toile, c'était en plein air. Ça s'appelait des palquistes, c'est le nom qu'on emploie, nous, dans notre métier. Les vrais, les premiers saltimbanques travaillaient comme ça, quoi. D'ailleurs, moi... Êtes-vous un saltimbanque? Oui, il n'y a rien de péjoratif, c'est très honorable d'être un saltimbanque. Mais tous les comédiens se disent saltimbanque, et tous les gens de radio et de télévision se disent également les saltimbanques. Mais oui, c'est très bien d'être un saltimbanque, parce que d'abord, le saltimbanque doit savoir un petit peu tout faire, et je crois que c'est pour ça qu'on peut être fier d'être un saltimbanque. Avoir le cirque dans le sang, qu'est-ce que c'est? C'est aimer le public, c'est aimer le voyage, c'est aimer la foule. Je ne sais pas si j'avais le cirque dans le sang, je crois plutôt... C'est pas moi qui l'avais, on me l'a peut-être inculqué, d'ailleurs. Je suis peut-être venu au monde avec ce virus que m'ont retransmis mes parents, peut-être, mais... Étant donné que j'ai été élevé dans un milieu de cirque, j'étais tout petit, vous savez, comme les gosses s'amusent dans des cours d'HLM en ce moment, ou d'école, moi je m'amusais sur la piste. Alors, à force de voir les artistes évoluer, répéter, tout ça, on est obligé d'y prendre goût et d'essayer, on est obligé. Qu'est-ce que c'est pour vous, le clown? Oh, le clown, c'est un beau métier, c'est extraordinaire. C'est vraiment... Écoutez, je n'ai pas eu de toute ma carrière, il y a longtemps que je suis en piste, j'ai commencé à l'âge de 4 ans, vous voyez. J'ai commencé par faire le clown, d'ailleurs, à l'âge de 4 ans. C'est une expression, faire le clown. Oui, enfin, faire le clown, pour moi, ça ne veut rien dire. Je sais pas, il aurait fallu peut-être trouver un autre nom à ce personnage qui est merveilleux. Et puis les gens, quand quelqu'un fait quelque chose de mal, ils disent, tiens, il fait le clown. Et c'est le contraire. Vous savez que pour faire le clown, il faut bien étudier ce qu'on fait. Il faut que ça soit bien fait, justement. Oui, il y a tous les clichés, d'ailleurs, Zavatta. Il y a celui-là fait le clown, ou bien les clowns sont tristes. Oui, oui. Oh, ben, c'est comme quand ils disent quelque chose, quand ça va mal, ils disent, ah, quel cirque. Vous en souffrez de toutes ces expressions? Ah là, j'en souffre, oui. Quand on dit, ah, quel cirque. Et si vous saviez l'organisation qu'il y a dans un cirque, si tout était organisé comme un cirque, croyez-moi que ça irait bien dans beaucoup de branches et beaucoup de domaines. Vous me disiez à l'instant, Zavatta, que vous aviez commencé votre métier à l'âge de 4 ans. Oui, justement, j'ai perdu le fil tout à l'heure. On le reprend. Non, je vous disais que j'ai toujours travaillé avec un grand plaisir. Parce que j'ai commencé à l'âge de 4 ans à faire ce qu'on appelle l'auguste de soirée. Vous savez, c'est le clown qui rentre au moment où on change de matériel. Alors, avec des accessoires qu'on m'avait préparés, des petits gags très courts. J'avais 4 ans, j'avais un frac, j'avais un toupet sur la tête. Là, j'ai plus de cheveux, mais avant, ils me le faisaient avec mes cheveux. Et je faisais rire comme ça, entre les numéros, c'était pas mal. Et j'ai commencé l'acrobatie, j'ai débuté en piste à l'âge de 6 ans. Et à 6 ans, je faisais déjà des doubles sauts périlleux. À 6 ans. À 6 ans, oui. Ça paraît énorme maintenant, parce que maintenant, les gosses, on les prend pour des bébés très tard, hein. Eh bien, moi, à 6 ans, je prenais déjà des coups, on avait des petites baguettes. Quand ça allait pas, on recevait une bonne fessée, mais qu'une baguette, alors pas à la main, vous voyez. Vous en voulez à vos parents d'avoir été traité de la sorte? Ah non, absolument pas. Et croyez-moi que j'ai été battu, hein. C'était une bonne discipline. Et j'ai adoré mes parents. Quand j'ai perdu mon père, ma mère, ça a été terrible. Et je les respecte parce que vraiment, tout ce que je sais faire, c'est eux qui me l'ont appris. Bon, alors je repère encore le fil. Pour revenir, après j'ai abandonné ce petit truc de clown, j'ai commencé l'acrobatie. Et ça, j'ai continué vraiment l'acrobatie où j'ai tout fait. Alors là, vraiment... toutes les disciplines du cirque, je les ai toutes faites. Acrobate à la bascule, sauteur au tremplin, sauteur à terre, écuyer. Un homme de cirque doit savoir tout faire. Dompteur, trapèze volant, j'ai tout fait. On voit des explications lorsqu'on parle des clowns. Par exemple, dans le Petit Larousse, le mot clown est défini de la sorte, et sûrement vous n'allez pas être heureux. Personnage grotesque de la farce anglaise, dans les cirques, acteur, bouffon, doué de beaucoup d'agilité et de souplesse, tout de même. Oui. Mais vous voyez au départ, personnage grotesque de la farce anglaise. Le mot clown vient d'ailleurs. Oh, peut-être qu'à l'époque, vous savez, et quand ils ont débuté, le clown a évolué tout de même. Je crois qu'à cette époque-là, c'était une sorte de bouffon, oui. Ouais. Mais vous n'êtes plus des bouffons aujourd'hui. Ah, je ne crois pas, non. Comment vous définissez-vous, alors? D'abord, est-ce qu'il y a encore des clowns? Ben, écoutez, vous savez, il n'y en a pas beaucoup, hein. Je crois qu'en France, on se compte même pas sur une main, hein. Vous savez, il y a une sorte de classique, comme au théâtre français. On a un répertoire de clowns. Il y avait un répertoire. Et on imite ensuite. Hein? On fait des imitations après. Non, ils ont gardé ce répertoire, justement. Ils n'ont pas créé. Il n'y a pas eu assez de créateurs, je crois, dans ce métier. Et ils sont restés exactement... D'un seul coup, ils se sont trouvés dépassés par l'évolution qu'il y a eu dans le spectacle. Et d'un seul coup, ça vieillit, vous voyez. Mais lorsqu'un clown arrive sur la piste, les enfants savent encore l'accueillir. Ah, oh, c'est extraordinaire. Moi, mais il faut savoir les prendre. On ne peut plus les prendre avec des grosses plaisanteries. Voilà, il faut savoir surtout... Il ne faut pas les prendre pour des enfants. Ils n'aiment pas qu'on les prenne pour des enfants. Ils n'aiment pas qu'on leur fasse des nini, ça va, les trucs, et parler bêtement, dire « Ah, j'ai eu mon premier prix aux abattoirs » au lieu de dire « au conservatoire ». Vous savez, ce parler clown qui existait et qui, malheureusement, il y en a qui l'emploient encore. Non, je crois que pour faire rire les enfants, il faut d'abord être dans le coup, il faut parler d'actualité, car ils sont peut-être plus en avance que les grandes personnes. Vous avez quel âge, Achille Zavatta? Ben, j'ai eu 59 ans et je vais bientôt sur les 60. Alors, entre 4 ans et 59 ans, 4 ans qui était l'âge de votre départ dans le métier, et 54 ans, il s'en est passé des choses. 55 ans de piste cette année. 55 ans de piste en 59 ans de carrière. Oui. De vie, plutôt. De oui, vie. Oui, de vie, de vie. Vous avez fait des études au départ. Comment ça se passe dans une famille de cirque? Non, là, surtout nous, à cette époque-là, non. On était des manuels, surtout. Le cirque de mon père était un cirque de famille et on faisait tout le spectacle entre les frères et sœurs. Et j'ai jamais mis les pieds à l'école. Vous n'avez même pas appris à lire et à écrire? Ah, rien. Le peu que je sais, je l'ai appris tout seul. Mais vous avez appris à lire et à écrire à quel âge? Tout seul. Moi, je sais pas, j'ai gros très tard. Oh là là, j'avais 18, 19 ans, je savais pas lire encore. Et cela vous manquait? Vous en souffriez? Ah oui, oui, beaucoup, beaucoup. Oui. J'ai commencé à bouquiner, après j'ai découvert ce que je ne savais pas d'ailleurs. Et c'est assez curieux parce que quand quelqu'un qui ne va pas à l'école ne se rend pas compte, vous voyez, il vit parmi... Et puis à cette époque-là, il y avait beaucoup de gens qui n'allaient pas à l'école, hein, même dans les sédentaires. Nous, c'était pas possible parce qu'on voyageait beaucoup et mon père nous laissait pas... en pension quelque part. D'abord, à cette époque-là, on n'en parlait pas de ça. Mais on ne se rend pas compte qu'on n'a pas été à l'école, on ne s'en rend pas compte parce qu'on parle avec des gens comme ça, de choses et d'autres. Il n'y a qu'après, il y a eu un bond de fait parce que après, j'en ai souffert quand je suis arrivé à Paris et je sentais quand même que je pouvais pas parler avec tout le monde. Vous parlez de qualités humaines, Zavatta, et j'ai l'impression que pour être clown, il faut en avoir vraiment une somme, parce qu'on ne peut pas être clown si justement on n'a pas ce contact avec les foules, cette curiosité, cet amour. Il faut le contact avec les foules, il faut savoir les comprendre, et je crois que justement, quand on a des qualités humaines, on arrive à comprendre plus vite les gens, les réactions, tout ça. Et il faut quand même être sensible pour être clown. Je suis très sensible, moi, je pleure facilement. Il y a d'autres qualités encore pour être clown? Bon, être sensible... Ah ben, il y a tout le reste, il y a la comédie. Est-ce qu'il faut être drôle? Il faut être comédien, surtout. Drôle, je ne sais pas, je crois que le comique, ça s'apprend. Je ne sais pas si le petit drôle, le comique de comptoir, vous le mettez sur une piste, il fera peut-être pas rien, vous savez. C'est étudié chez nous, on improvise beaucoup, mais c'est quand même en place, c'est bien étudié. C'est un métier. C'est un métier qu'il faut apprendre. Et maintenant, par exemple, vous voyez, au début, je faisais un sketch. Je ne savais pas s'il allait porter ou pas. Maintenant, j'écris un sketch, je le répète. Je suis sûr d'avance des réactions. Je dis, tiens, là, ils vont rire, là, ils vont rire, là, ils vont rire. Parce que c'est... Au bout de 50 ans, on arrive quand même à connaître les réactions du public. Et d'autant mieux que je n'ai jamais arrêté, vous voyez. Je n'ai jamais arrêté. J'ai toujours continué de faire mon métier. Donc, le public a évolué, mais j'ai évolué en même temps que lui. Zavatta, vous êtes de ceux qui auront inscrit leur nom sur la liste glorieuse des clowns, des grands clowns. Mais quels sont pour vous les plus grands clowns? Oh, il y en a eu de très grands, malheureusement. Il y en a qui sont morts assez jeunes. Il y a eu un... Pour moi, il y avait un génie qui était dans notre métier, c'était Rome. Rome, oui. Rome, c'était un... Ah, oh, quelle finesse, quel comédien, quel... Tout en finesse, tout. C'était... Et puis, c'est ça le vrai comique. C'est le type qui, avec rien, il faisait rire. C'était joli, c'était formidable. Il y a eu Porto aussi. Et Grock. Grock. Mais Grock n'était pas un clown. Ah, je vous attendais, là. Grock n'était pas un clown. Grock, il avait un numéro musical. Oui. Qui était très bien. C'était de l'horlogerie suisse, parce qu'il est suisse. Ça marchait vraiment au centième de seconde avec lui. Très bon numéro pour l'époque. Je crois que si Grock aurait le même numéro maintenant, et ça marcherait pas. Enfin, prenons des hommes qui ont eu d'extraordinaires réussites ou au cinéma ou au musical. Enfin, Charlie Chaplin, Bourville. Ces gens-là auraient pu réussir sous le chapiteau? Ah, Chaplin, oui. Chaplin, d'ailleurs, si je ne me trompe, c'est un ancien du cirque, d'ailleurs. Oui, mais il est sorti quand même très vite pour faire... Ah, très vite, oui, il s'est mis au cinéma. Mais vous savez, regarder les films muets, c'était presque l'Auguste de piste, hein. Chaplin, dans ses premiers films muets, c'était des cascades, c'était des gestes, des trucs, c'était à peu près ce qu'on faisait en piste à l'époque. C'est toujours la même impression lorsqu'un cirque arrive dans une ville, c'est-à-dire ces voitures qui arrivent au petit matin, qui s'installent, et c'est ce public qui vient en curieux pour voir grimper le chapiteau. Non, alors ça, il n'y a plus. Non, il n'y a plus cet attrait du public. Avant, on arrivait, on voyait 1000 personnes qui attendaient pour voir monter le cirque. Maintenant, vous savez, quand on arrive avec les camions, on les embête plutôt qu'autre chose. On est obligé de voyager de nuit. Et c'est effrayant, d'ailleurs, pour un cirque. On ne dort plus, hein, en tournée. Moi, je viens de finir une tournée de 10 mois. Je suis complètement claqué parce qu'on n'a pas de sommeil. C'est pas possible. Et vous vous posez parfois des questions. Vous vous dites, dois-je continuer ce métier? Oui, je suis obligé de le continuer parce que c'est en moi. Puis c'est votre vie. C'est ma vie. Seulement là, des tournées de 10 mois comme ça, je ne peux plus. Il faudra qu'on me laisse faire 4-5 mois, voyez, un petit arrêt, puis reprendre 4 ou 5 mois. Vous avez dit une fois, je suis devenu clown malgré moi. Or, vous m'avez dit, vous, que vous aviez commencé à 4 ans. Oui, mais j'étais pas clown là. Si vous voulez, c'est l'Auguste de soirée à. À 4 ans, un gosse ne peut pas décider de... Non, on décide pour lui. Voilà. Et étant donné que j'ai arrêté, après, j'ai plus fait le clown jusqu'à l'âge de 19 ans. Et c'est un soir à Limoges. J'étais au cirque Rancy à l'époque. Vers 18 heures, on vient me trouver pour me dire qu'il fallait que je remplace quelqu'un. Et vous savez pourquoi je suis devenu... J'ai fait ma carrière, c'est curieux, ça tient un peu de choses. À l'exactitude de la SNCF. Je Ce clown a loupé le train à Paris. Et il a dit qu'il ne serait pas là le soir. Et donc, je l'ai remplacé. Au pied levé, vraiment, alors là, j'avais jamais fait ça, je ne voulais pas. C'est André Rancy à l'époque qui est venu me supplier. Il m'a dit, écoute, tu vas te débrouiller, tu vas faire quelque chose. Alors, j'ai été dans un magasin qui existait à l'époque. Il y avait des magasins de vêtements d'occasion. Ça ne se voit plus maintenant. Mais avant, il y avait des magasins où on allait acheter des complets d'occasion, des chemises, des chaussures. Et j'ai trouvé un costume d'un monsieur qui devait peser dans les 140 kilos, là. J'ai trouvé également des grosses chaussures de l'armée américaine, là, des gros godillots comme ça. Des 58, quoi. Oh oui, c'était des... ça n'a pas de pointure. Oh, mon sang, vous les avez connus, ces chaussures, il y a des semelles comme ça. Je crois qu'ils mettaient ça, d'ailleurs, par-dessus leurs chaussures. Très lourd, ça devait peser 2 kilos, chaque chaussure. Enfin, j'ai acheté un peu de maquillage et puis je me suis débrouillé comme ça. Et ça a tellement bien marché que j'ai continué. On a beaucoup écrit sur vous, Achille Zavatta. Je sais pas, vous savez. Regardez tous les articles. Mais oui, j'étais étonné. Je me suis amusé à sortir un peu tout ce qui a été écrit sur vous et je trouve que c'est tout de même une somme. Il y en a beaucoup. Hein. Ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Tous les titres sont gentils, sont élogieux. La plupart du temps, je ne vois rien. Soyez tout à fait sincère, vous devez avoir quand même un livre où sont répertoriés tous les articles qui ont été écrits sur vous. Absolument pas. J'ai des articles comme ça en vrac, dans un tiroir, qu'on m'a donné, parce que je suis pas l'Argus. Alors, de temps en temps, comme quelqu'un, il m'envoie, il dit, tiens, ami, tu as vu ce qu'on a écrit sur toi? Je dis non, bon, il me l'envoie. Alors là, j'en ai pas mal. Achille Zavatta, nous allons prendre une première pause musicale. On va la prendre d'ailleurs avec vous. Vous avez choisi ce disque. Quel est le titre? Approchez-donc. Approchez-donc et venez voir. Faut pas traîner dans les couloirs. Parce que ce soir, c'est ma dernière. Approchez donc et venez voir, ne restez pas debout dans le noir, venez vous asseoir aux premières, car aujourd'hui on rase gratis, ce soir c'est le feu d'artifice, n'ayez crainte au coup de bambou. C'est moi qui prendrai tous les coups, je suis le clown, qu'on se le dise. Approchez donc et venez voir, j'avais le cœur rempli d'espoir, je vous le jure, messieurs, mesdames. Mais quand on apprend que l'amour vient de s'en aller pour toujours, c'est pas écrit dans le programme. Ne me demandez pas pourquoi, mais simplement regardez-moi comme c'est drôle un clown maquillé avec du rouge sur le nez et puis des larmes sur le visage. Approche donc encore une fois, de près tu verras mieux, crois-moi. Tu vois, Marquise? Oui, je commence à l'heure. Approche donc et viens t'asseoir, je t'ai reconnu dans le noir. Viens voir, Marquise, ton clown qui pleure. Achille Zavatta, c'est vous qui chantez sur ce micro-sillon, donc... Comme beaucoup d'autres, vous avez été poussé à la chansonnette. De quelle manière? Ben, on est venu me trouver, on m'a dit qu'il faut faire un disque. Et encore celui-ci, ça va, quoi, ça peut passer, mais les premiers que j'ai faits n'étaient c'était vraiment pas bon. Hein. Et puis ça se termine quand même, c'est toujours le même sentiment, le clown qui pleure. Toujours la tristesse. Ben parce que les gens se disent, voilà, le clown c'est triste. Alors tout ce qu'on m'apporte, toutes les chansons qu'on m'a apportées, c'était toujours sur les clowns et toujours triste. Et je voulais pas, moi c'est le jazz, moi ça balance, moi j'aurais préféré qu'on me fasse faire des choses comme Le Grand, là, parce que j'ai une voix qui gratte un peu et je fais des chorus, j'improvise beaucoup. C'est ça qui m'aurait plu, c'est de sortir quelque chose de... Mais vous êtes catalogué dans votre... On est catalogué, c'est fini. Là, on m'apporte toujours des chansons tristes, des... Vous avez dit une fois à Achille Zavatta, rien ne m'émeut plus que le rire des enfants. Mais alors justement, jusqu'où vont vos relations avec les enfants? Les enfants sont-ils avec vous comme ils étaient autrefois? Je suis... Alors, plus, beaucoup plus maintenant. Beaucoup plus, moi. Mais j'ai vraiment des fans, vous savez, c'est... Il faut le voir pour le croire, parce que il m'est arrivé d'aller faire dans des supermarchés, par exemple, des dédicaces. Vous voyez, on dit, bon, tel jour, Achille Zavatta dédicace ses photos à... Je peux pas dire le nom de... Enfin dans un grand magasin. Mais c'est affolant. C'est affolant. J'ai vu tout casser dans les magasins. Alors, ces enfants viennent vous voir, ils vous parlent. De quoi vous parlent-ils? Ce sont vraiment des fans. Sont des fans, je suis pour eux, je représente, on voit le visage et les yeux, les pupilles qui s'écartent, tout, ils tremblent de me voir si près, tout ça. Vous êtes l'enchanteur pour eux. Oui, Un autre monde. C'est peut-être ça. Achille Zavatta, finalement, le cirque, c'est l'école de la patience. On finit par risquer sa vie avec le sourire, dans votre métier. Ben, on n'y fait pas attention, vous savez, j'ai risqué... Plusieurs fois, ma vie, d'ailleurs, je suis tombé plusieurs fois, des gros accidents graves. On n'y pense pas, on recommence. Dès qu'on est guéri, on recommence. À quel âge avez-vous eu votre premier accident? À 18 ans, j'ai eu un accident très grave. Je faisais un numéro de perche avec mon frère aîné, Michel. Et un exercice qu'on avait inventé, d'ailleurs, c'était... j'étais en drapeau, tout à fait en haut de la perche, vous voyez. Alors moi, il m'a fait tourner tellement vite un jour que je me suis soulevé. Et la perche qui était dans un petit socle est sortie de cet endroit-là. Et naturellement, je lui ai échappé à mon frère et je suis tombé à plat. Je tournais à une vitesse incroyable, car il y a des jours, j'avais du sang dans les chaussettes. Vous voyez, quand il me faisait tourner longtemps. Et ma foi, je ne me suis pas vu tomber, je suis tombé à plat, c'était en Bretagne, à Pleuc, et il n'y avait pas de sciure, il n'y avait rien, sur le goudron. Bien abîmé? Ah, bien abîmé, un peu cassé de partout, et puis alors, j'ai craché le sang pendant 15 jours, et ils croyaient que j'étais foutu. Et ça s'est ressoudé, tout ça. Et puis l'envie de recommencer immédiatement? Ah, ben j'ai recommencé, aussitôt que j'étais guéri, j'ai recommencé le même exercice, d'ailleurs. L'école est très dure tout de même, Achille Zavatta. Est-ce que vous voudriez cette même école pour vos enfants, pour vos petits-enfants? Ben c'est du sport, vous savez, l'école est dure, mais c'est du sport, vous savez. En Russie, ils ont des écoles de cirque comme ça. Et croyez-moi, si on veut vraiment faire de belles choses, de grands numéros, il faut vraiment travailler beaucoup et jeune et longtemps. J'ai l'impression, Achille, que le cirque doit vite se moderniser ou alors se résigner à mourir à bref délai. Je suis de cet avis, on peut garder le cirque, le cirque sera toujours le cirque, mais je crois qu'il faut amener beaucoup de choses au cirque, beaucoup, surtout dans la présentation. Il ne faut plus que ce soit seulement anecdotique, seulement un souvenir. Non, moi je suis contre ça, et j'aimerais bien qu'on trouve un enchaînement, qu'il y ait un fil conducteur d'un numéro à l'autre. Qu'il y ait une histoire. Ça arrive comme des cheveux sur la soupe, là, les attractions. Il faudrait qu'il y ait une petite histoire de rien, que, je sais pas, c'est vite fait à écrire un petit truc comme ça. Il faudrait également, à Achille Zavatta, il faudrait des vedettes. Il n'y a plus tellement de vedettes au cirque. Il y en a, il y a de bons numéros à l'étranger, on peut les faire venir. Mais les vedettes, c'est la faute des directeurs, ils n'ont jamais fait de vedettes. Ils disent, si on leur met le nom, après ils vont vouloir être payés trop cher. C'est ce qui s'est passé dans le temps, il y a longtemps que je le disais, moi, aux directeurs de cirque, je leur ai dit, mais... Faites connaître ces gens-là qui sont bons, faites-leur de grandes affiches avec leur nom Et quand ils reviennent en France, vous dites, voilà, le retour. Il y avait dans le temps des artistes connus où les gens venaient uniquement pour les voir. Vous aviez les Codona dans le temps, quand ils passaient au Cirque d'Hiver. Alors ça, c'était un nom. Ils venaient les Codona, ça y est, c'était plein. Ils venaient Antoinette et Baby, c'était plein. Lorsqu'on annonce Zavatta, on est sûr de faire une salle ? En ce moment, oui, j'attire beaucoup de monde. Et vous allez être content, fier même. Oui, parce que d'abord, ça joue sur le cachet. Étant donné que j'attire du monde, on me paye assez bien. Le jour où on s'aperçoit que vous n'attirez personne, on vous paye pour la durée que vous tenez la piste, c'est tout. Mais les gens de cirque sont bien payés ? Non. Très mal payés. Pour ce qu'ils font, c'est très mal payé. Il y a beaucoup de gens qui s'en contentent parce qu'ils disent on est mieux là qu'à l'usine. Ils gagnent quand même bien leur vie. Vous savez, quand on se fait 400, 500, 600 000 francs par mois, 500, 400, les gens sont contents quand même. Puis Achille Zavatta, il faut bien comprendre que le jour où tous ces artistes seront devenus des fonctionnaires, le cirque sera mort. Non, ce qui est grave chez l'artiste, c'est qu'il ne se rend pas compte qu'il vieillit très vite pour un acrobate. Le drame, monde à part. Le drame est là. Le drame est là et... C'est que d'un seul coup, il se trouve et il ne peut pas se reconvertir dans quoi que ce soit. Vous savez, un artiste de cirque, il fait que son métier et puis c'est tout. Il y a des gens qui viennent des sociétés de gymnastique, des choses comme ça, qui avaient un métier avant. Alors ceux-là, ils arrêtent, ils peuvent retourner, ils peuvent refaire le mécanicien ou je ne sais pas ce qu'ils faisaient avant. Ça arrive. Il y a de très bons numéros qui sortent de sociétés de gymnastique. Autrefois, Achille, le cirque était une citadelle et... J'ai l'impression qu'on n'a pas su garder la citadelle. Il n'y a plus de mystère. Et ça a commencé, vous voyez, à Medrano. Quand ils ont commencé à mettre les clowns à l'entracte, au bar, pour serrer la main des enfants. Quelle erreur monumentale, parce que le rêve s'en allait, là. C'est comme le Père Noël qui se promène dans la rue. Il ne faut pas, ni le Père Noël, ni... Ou bien alors il faut tout supprimer. Les artistes, il ne faut pas qu'on puisse les approcher. Il ne faut pas que ça soit la comédie française, que ça soit au théâtre, que ça soit au musical. Il faut que ça reste... C'est ça, le star, la star. La star, c'est parce qu'on ne pouvait jamais l'approcher. Chacun se faisait une idée sur ses vedettes de cinéma, qu'est-ce que c'est, comment elle est. Mais si vous allez lui parler, que vous la touchez, vous lui dites bonjour, elle vous donne une photo, c'est fini. Vous pensez, Achille, qu'il faudrait que la France ait son cirque national ? Ah, et alors, comme la Russie ? Il y a 10 ans que j'en parle. C'est la seule chose subventionnée qui gagnerait de l'argent. On pourrait le monter, il y aurait, il y aurait des artistes pour cela. Absolument, il y a des artistes, il y a des professeurs, il y a tout ce qu'il faut et ça coûterait pas cher. Car on a beaucoup de professeurs, vous savez qu'un vieil artiste, ça serait formidable pour un artiste qui peut plus travailler. Mais ça, c'est un excellent professeur, un artiste qui peut plus. Un ancien acrobate, il va prendre des élèves et il va en faire quelque chose. Oui, mais admettons, Achille Zavatta, qu'il y ait une école du cirque. Vous pensez que les gens du cirque enverraient à cette école leurs enfants ? Ah ben oui, puisque ça serait, les professeurs seraient des gens du cirque. C'est là, vous savez, ça n'a rien à voir avec la gymnastique. Hein. Le cirque, c'est autre chose. On a un autre comportement en piste qu'un acrobate qui apprend à faire de l'acrobatie dans la société. Quand vous voyez les Jeux Olympiques, là, vous voyez, ce sont de bons acrobates, ils travaillent au tapis, mais c'est pas un acrobate de cirque. On sent qu'il a travaillé à la société de gymnastique. C'est pas pareil. Pourtant, ils font de grandes choses. Ils font... Ça, s'il y avait un cirque national, vous, Achille Zavatta, vous accepteriez d'en prendre la direction. Ah oui. Et puis, croyez-moi qu'on pourrait former de très bons spectacles. Le cirque national, c'est d'abord une chose. Mon idée, c'était ça, c'est d'avoir un très bon spectacle de cirque, et croyez-moi, il y aurait du monde, ne serait-ce que pour le prestige. Si demain vous ouvrez le Cirque National Français à Paris, je suis persuadé que pendant 2 mois, on remplit avec le même programme. Hein? Et après, il y aurait un échange culturel à faire qui serait vraiment extraordinaire, c'est d'envoyer la troupe française en Russie, les Russes nous envoient une troupe. Après, on fait avec l'Italie, l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne. Il y a beaucoup de cirques à l'étranger. Beaucoup. Ils ont de très bons programmes. Il y a des cirques en Amérique ? Oui, il y a Barnum qui continue toujours. Mais enfin, alors là, c'est... Mais Barnum, ça a été le premier ? C'est pas le cirque... Le français n'aime pas cette forme de le spectacle. Vous savez, il y a des numéros partout, ils se baladent avec... Trois pistes, et puis ils traversent le cirque avec un camion, ils chargent les cages en voiture. Et vous commencez au coup de sifflet, vous arrêtez au coup de sifflet. J'ai travaillé chez Barnum. Au coup de sifflet, il faut arrêter, même que vous n'avez pas fini. Alors, voilà, c'est pas du cirque. C'est une foire. On travaille tous à la fois, et puis voilà. Il y a beaucoup de défilés, beaucoup de parades. Ils font 5-6 numéros, et puis il y a une grande parade où il y a 200-300 personnes qui défilent avec des costumes. Justement, vous parlez de la parade de Zavatta. Lorsque vous arrivez dans une ville de province, par exemple avec le cirque Jean-Richard, il y a encore dans l'après-midi la fameuse parade? Non, pensez-vous, on est clandestin là, et on arrive la nuit, il faut tout de suite dégager toutes les rues, tout ça. On peut plus rien faire, il y a trop de trafic, il y a trop de circulation. Avant, il y avait des parades énormes l'après-midi, et puis c'était plein le soir. Puis il y a une chose, maintenant, je crois que si on leur donne une belle parade l'après-midi, les gens... Alors, tu vois, t'es content, mon petit, alors tu vas aller te coucher, ça. Je crois qu'il faut pas leur faire voir autre chose que le spectacle le soir. Vous n'êtes plus les rois d'autrefois. Non, ben la vie a complètement changé. Avant, c'était un événement. Quand le cirque arrivait, ils étaient en extase devant les camions. Maintenant, ils peuvent plus les voir, les camions, car tout le monde a une voiture. Alors, l'ennemi de la voiture, c'est le camion. Et il y a même des gens qui, des fois, ils restent collés assez longtemps derrière un convoi du cirque. Eh ben, on les entend, vous se péter. Tiens, s'ils croient que je vais y aller, moi, ce soir, cela, tu peux, vous voyez, ils se fâchent. Achille Zavatta, vous avez passé toute votre vie à côté des hommes, à côté des bêtes. Est-ce que vous préférez les hommes ou les bêtes? Oh, les hommes, il y en a de bons, vous savez. C'est comme les bêtes, hein. L'humanité, elle est pas pourrie complètement. L'humanité vue par un clown? Non, il y a beaucoup d'hommes valables, croyez-moi. Vous n'avez jamais été dompteur? Si. Aussi? Ah, j'ai été le seul au monde à faire un numéro comique avec de vrais lions. En 56. Pourquoi, il y a des folios? Oui, parce que j'aurais pu prendre des costumes, quoi, mettre des gens avec des peaux de lion, mais là, c'était des vrais lions. Ouais, dans la cage? Dans la cage, des vrais lions, et très méchants. Très méchant. Seulement, c'était des lions que j'avais élevés moi-même. Et moi, j'en faisais ce que je voulais. Ça a été extraordinaire. C'est dommage qu'on n'avait pas vu ça. C'était à Medrano, à l'époque, en 56. C'était un spectacle de Gilles Margaritis, d'ailleurs. Ça s'appelait Sechter Folie 56. Et c'est là que j'ai fait un show. Je faisais 10 numéros. Vraiment, tout le spectacle, quoi. Longtemps, vous avez eu une ménagerie à vous? Ben, on avait la ménagerie du cirque, seulement ça, c'était un numéro de lion à moi, et j'ai eu l'idée de le faire en comique. Puis alors, j'ai eu la chance, j'avais un lion énorme dans ce numéro qui était un comique, lui aussi. J'avais une perruque de Tarzan, oui, je vous donnais simplement un exercice que je faisais. À un moment donné, j'ouvrais la gueule, je mettais la tête dans la gueule du lion, et puis un soir, involontairement, il a un peu serré, mais pas méchamment, vous voyez. Il m'a enlevé la perruque. Et il a gardé la perruque comme ça. Et ça a fait rire, et puis il l'a fait tous les soirs après. Je mettais la tête dans la gueule du lion, et en sortant, il se trouvait avec une barbe. Car j'avais une perruque qui me descendait dans le bas du dos, et ça faisait... Mais le lion avait fait cette chose d'une manière instinctive, il avait compris à votre après, avis? Après, il l'a fait tous les soirs, après ça faisait rire. Alors il tournait, il regardait même le public comme ça avec la barbe, parce que les gens, il était extraordinaire. Tout à l'heure, je me suis permis de vous poser cette question, que préférez-vous, les hommes ou les bêtes? Parce que les gens de cirque m'ont toujours dit que leurs amis, c'était les animaux. Non, j'aime beaucoup les bêtes, mais... Il y a beaucoup d'hommes, quand même, qui peuvent remplacer les bêtes. Hein. Mais maintenant, vous n'avez plus de bêtes, même pas chez vous. Vous avez des chiens, des chats dans votre appartement? Malheureusement, je viens de perdre des chiens. C'est embêtant, un chien. Vous voyez, on s'y attache de trop et ça meurt trop jeune. Et à chaque fois que j'ai perdu un chien, j'ai été très malheureux et j'en veux plus. Achille Zavatta, lorsque le cirque de Moscou arrive à Paris, vous vous précipitez pour aller le voir? Je vais y aller, parce que j'étais pas là, mais je vais y aller avant de partir. Je connais très bien le cirque de Moscou, je connais très bien les numéros russes. C'est du bon cirque, à votre avis? J'ai pas vu ce qui se passe là, au Palais des Sports. D'abord, le Palais des Sports, ça peut pas être du bon cirque. C'est dommage qu'il n'ait pas pris le cirque d'hiver pour faire une chose pareille, vous comprenez? Il faut un cadre, quand même. Il faut que ça soit un cirque, pour faire du cirque. Il n'y a pas d'erreur. Il faut un climat. Il n'y a pas l'ambiance, il n'y a pas l'atmosphère du cirque au Palais des Sports. Les attractions sont peut-être bonnes, mais ça ne porte pas comme si c'était au cirque d'hiver. Il faut qu'il y ait le cadre du cirque. Là, j'ai pas été, je vais y aller parce que il y a souvent de très très bons numéros nouveaux. Vous voyez, ils arrivent, ils trouvent des choses nouvelles. Ils essayent d'améliorer à chaque fois. Ils ont fait un très gros progrès, alors eux, dans la présentation. Je me souviens du premier cirque de Moscou qui est venu à Paris. Ils travaillaient encore avec les gros maillots, là, les collants roses en coton, vous savez, à l'ancien temps. Et maintenant, ils sont modernisés. C'est d'ailleurs une maison parisienne qui leur fait les costumes. Très moderne, très, très moderne, très décolleté. Et lorsque vous voyez ce cirque de Moscou, vous rêvez un peu. Vous vous dites si nous pouvions avoir un cirque français. Mais on peut le faire, on peut le faire. Il n'y a pas de secret, vous savez. Et parce qu'on a de très bons numéros français, mais ils sont à l'étranger. Le jour où il y a un cirque national comme ça, mais ils viennent et à bas prix même, pour lancer l'affaire. Achille Zavatta, c'est aujourd'hui le 31 décembre, ce soir c'est le réveillon, puis demain nous serons en 74. Alors est-ce que le réveillon du 1er de l'an, c'est une fête pour les gens de cirque, pour les clowns? Qu'allez-vous faire ce soir? Ben oui, c'est une fête, on a une coutume chez nous, c'est d'aller souhaiter la bonne année. Alors on commence la nuit, et on passe toute la nuit, on va d'une maison à l'autre, d'une caravane, même si on a des amis qui habitent en banlieue. On fait le tour, vous voyez, partout, faut pas qu'ils nous fassent souffler dans le ballon parce qu'on nous offre un petit verre partout où on va souhaiter la bonne année. C'est une vieille coutume des gens du voyage. Vous avez toujours votre caravane? Je suis en appartement, mais j'ai la caravane pour la tournée. Elle est à vous? Ah oui, c'est à moi. Que préférez-vous, la caravane ou l'appartement? Oh, l'appartement. Alors que vous avez fait de mauvais souvenirs à la caravane. Quel travail, une caravane. Vous vous rendez compte, on change de ville tous les jours. Hein? On mange après le spectacle, on se couche très tard. Faut remballer, faut faire la vaisselle. Le matin, faut enlever toutes les cales, faut ramasser les fils électriques, le truc. Faut faire la route, faut arriver, faut chercher une place. Parce que maintenant, il n'y a plus de place pour les cirques. Des fois, on est partagé en 5-6 tronçons. Là. Il y a la ménagerie ici, le cirque là-bas, les artistes d'un autre côté, la cuisine, la cantine des hommes à 300 mètres. Et tous les jours, ça recommence. Il faut remettre l'eau, il faut rebrancher l'électricité. Puis le confort, vous savez, est vraiment relatif hein, dans une caravane. C'est un métier de bagnard? Absolument, oui. Je crois que je l'ai dit, d'ailleurs. Je l'ai dit. C'est, vous savez, 10 mois, une tournée de 10 mois comme je fais là... C'est 10 mois de sacrifier, vraiment. Heureusement qu'on a la compensation, le soir, le public, la lumière, les applaudissements, les rires, on oublie, mais le lendemain matin, il faut toujours recommencer. Et puis les cirques, maintenant, c'est épouvantable. Et, vous savez, on fait un jour dans chaque ville. C'est terrible. Dans le temps, on restait 4-5 jours, 8 jours, 15 jours dans des grandes villes. Mais dans cette aventure, vous avez appris à bien connaître la France et le monde. Pour être un bon professeur d'histoire? Je crois. Oh, d'histoire, peut-être pas, parce que nous, on voyage tellement qu'on retient rien, nous. C'est curieux, hein. Vous savez, dans les villes, si les premières années, j'allais visiter les châteaux, les choses comme ça. Mais ça fait 30 fois que je passe dans le même pays, alors on n'y va plus. Achille Zavatta, tout à l'heure, nous avons écouté chanter. Je crois qu'il serait bon maintenant de repréciser le sens de votre voix. Vous avez choisi un nouveau disque, un disque de vous. Il s'agit cette fois-ci d'un clair de lune à Béthune, non? Un coup de soleil. Ah, pardon, Béthune. Un coup de soleil, oui. Lassé d'entendre tant de voix tendres sournoisement chanter mon beugel clair de lune, j'ai voulu prendre la route des Flandres, mais finalement je me suis retrouvé à Béthune. J'ai bifurqué, ou trop tard ou trop tôt, suivez les petits oiseaux et pensez le ciboulot. J'ai attrapé un coup de soleil à Béthune. Je suis sûr que vous ne me croirez pas, mais je suis bronzé du haut en bas. J'ai attrapé un coup de soleil à Béthune. Ça chauffe si fort dans tout le pays du Nord que je fus en moins d'un quart d'heure ensoleillé en sol mineur. Vu mes souffrances, là où je pense. J'ai expliqué à un médecin de l'assistance. Ma peau s'effrite comme une pomme cuite. Pourtant, docteur, je ne reviens pas de l'équateur. Je manœuvrais, tournant le dos à Calais. C'est alors que j'ai fait la bêtise à Cambrai. J'ai attrapé un coup de soleil à Béthune. Tout habillé, ça ne se voit pas, mais je peux le montrer quand on voudra. J'ai attrapé un coup de soleil à Béthune. Sous mon costard, je suis rouge comme homard. Je pense qu'on ne m'y reprendra plus à me montrer comme ça tout nu. Faites attention au coup de soleil à Béthune. Même s'il vous apparaît blafard, souvenez-vous de mon histoire. J'ai attrapé un coup de soleil à Béthune. Au ciel du nord, il a tapé si fort que chante comme un toréador. Aïe, mamma mia, qu'alors. Au ciel du nord, il a tapé si fort pour une fois que je me suis mis nu. C'est fou ce que j'ai mal au dos. Vous avez dit un jour, pour moi le cirque c'est fini, je lui dis adieu. Il y a de cela une dizaine d'années. Et je l'ai vu inscrit en grosses lettres sur un journal. Et vous avez continué. On ne dit jamais adieu au cirque. Non, non, j'avais dit adieu, oui, j'ai dit adieu. D'ailleurs, je suis resté longtemps sans faire, hein, 6 ou 7 ans, je crois. Pourquoi ? Ben parce que je voulais faire autre chose. Parce que vous aviez cru à autre chose. Non, je voulais faire... Ça m'a fait du bien d'arrêter. J'étais saturé de cirque. J'avais plus de goût à travailler, vous voyez. Je me forçais pour travailler. C'est très mauvais pour un artiste. Un artiste qui n'a pas du plaisir en rentrant en scène, il faut que ça soit une récréation, le travail. Mais alors vous aviez perdu vos enfants, ces enfants dont vous me parliez tout à l'heure, qui viennent vous voir. Mais j'ai fait du music-hall, c'est pas la même chose. C'est pas pareil, non, il n'y avait pas de gosses. Il n'y avait pas de gosses, et je travaillais, alors j'ai changé, c'était un peu plus fin ce que je faisais, un peu spirituel. Les sketchs pour le music-hall. Vous pensez que ce que fait un clown, c'est lourd, c'est grossier ? C'est pas pareil. On peut se permettre des finesses au music-hall qui passeraient à travers au cirque. Faut pas que ça soit des jeux de mots trop compliqués. On fait pas de politique au cirque. On parle jamais d'une chose ou d'autre. On n'en fait jamais un jeu de mots sur un homme politique. Tout ça, on ne peut pas au cirque. Et puis, faut rien, absolument rien de grossier. Rien, même pas les 5 lettres. Rien. Mais vous, Achille Zavatta, vous avez des opinions politiques ? Hein ? Vous êtes un homme comme les autres. Ah oui, oui, ben heureusement. Il faut avoir des opinions politiques. Quelle est votre nationalité ? Française, mais d'origine italienne. Mon père et ma mère étaient italiens. Mais en 1815, votre famille, elle avait quelle nationalité ? Ah, italien de, oui, dès oui, le départ. Mais le cirque, c'était en Italie, d'ailleurs. Moi, je suis né en Afrique du Nord parce que, justement, mon père venait juste de passer en Afrique du Nord. Et d'Italie, il est venu en Tunisie. Je suis né à la Goulette, mais j'ai été élevé en Algérie, surtout. Parce que, pour le cirque, l'Algérie, c'était mieux que la Tunisie à l'époque. Alors, mon père avait un cirque ambulant, exactement comme maintenant, chapiteau. Et on faisait toute l'Algérie, et le Maroc. Vous aviez une ménagerie dans ce cirque ambulant ? Non, pas à cette époque-là, non, non, il n'y avait pas de ménagerie, on n'avait même pas de caravane. On logeait chez le particulier, on louait une maison. Mais vous promeniez comment, alors ? Tout par le train. Tout par le train, on a même fait des villes à dos de chameaux. Tout le matériel transporté à dos de chameaux. Toute une caravane, alors un petit quartier de toile sur l'autre, vous voyez, tout, les planches, tout ça, on a fait. À Tozer, on a installé le cirque, on y a tous été... À d'autres chameaux, quoi. Achille Zavatta, vous avez vos fils, avec eux vous faites un numéro. Oui, de temps en temps, oui. Pourquoi de temps en temps ? Vous ne pourriez pas promener ce numéro à travers l'Europe ? Ah si, mais ils travaillent de leur côté, vous savez, mes fils, ils ont un très bon numéro musical, acrobatique, Et ils sont restés 2 ans au Casino de Paris avec Mick Michel, et puis depuis ils ont fait le tour du monde. Si vous devenez célèbre au théâtre ou au cinéma comme vous le désirez, ce sera l'accomplissement de votre vie? J'aimerais bien jouer la comédie. Je crois que je... Vous savez, la comédie, ça s'apprend pas. On doit être comédien ou on ne l'est pas, je ne sais pas. Pour moi, tout au moins, je crois que jouer la comédie, c'est être naturel comme on est à la ville, quoi. Et ça me plairait beaucoup, parce que... Oh, célèbre, c'est pas une question de célébrité. J'aimerais jouer, j'aimerais qu'on me confie des rôles, parce que je me sens capable de le faire. Vous êtes surtout capable de tout recommencer, à 59 ans. Ah oui, oui, oui, même s'il fallait travailler beaucoup pour ça. J'ai joué une pièce d'achat, là, c'est dans le domaine du cirque. Voulez-vous jouer avec moi, vous savez, j'ai fait ça au festival de Vaison-la-Romaine, que j'ai transformé d'ailleurs, ça c'est assez rare, hein, parce que je l'ai arrangé à ma façon, et j'ai demandé à Charles si je pouvais changer quelque chose, et j'ai le télégramme, il m'a dit « tu fais ce que tu veux ». Et alors j'ai incorporé, j'ai mis de la musique qui n'existait pas, je jouais de la trompette, des trucs dans les numéros, ça, c'était très joli d'ailleurs. Ça m'a plu, on a fait un très très gros succès avec ça, on a rempli tout le temps. Hein. Achille Zavatta, nous sommes arrivés au bout de cet entretien, nous avons parlé du cirque, nous avons parlé des clowns. Pour bien connaître un clown, que faudrait-il dire? Comment aimeriez-vous qu'un clown fût connu? Parce que le titre clown, le mot clown ne vous plaît pas. Ben, non, je crois que, si vous voulez, le clown est un personnage. Moi, j'ai une silhouette à Dubout. Voilà. J'ai regardé dans les dessins à Dubout, et puis je me suis fait la silhouette que j'ai là. Et je crois que, si vous voulez définir le mot clown, il faut que ça soit un homme universel. Il faut qu'il sache vraiment tout faire pour se sortir de toutes les situations. Il ne faut pas qu'il soit cultivé, il faut qu'il soit intelligent. Cultivé et intelligent, ça sera encore mieux. Merci, Achille Zavatta. C'était la radioscopie du 31 décembre 1973. Jacques Chancel recevait le clown Achille Zavatta. C'était une émission retravaillée par Stéphane Combe. Demain, pas de radioscopie puisque vous retrouverez Didier Varro pour les concerts d'Inter. Nous serons en direct du Fnac Live. Mais dès lundi à 23h10, nouvelle diffusion de Radioscopie, Jacques Chancel recevra l'aviatrice française Adrienne Bolland. À suivre, une rediffusion de Back to Back avec Mélanie Bauer. Son invitée, la chanteuse franco-tunisienne Nawel Benkayem. Belle nuit sur France Inter. Il est minuit.